Thank you. Qu'on maîtrise la polyrythmie qu'on était en train de faire. Si c'est le cas, on continue. Sinon. Ouais. Donc tu sais comment on vote? Tu fais point d'exclamation vote attaché, espace, BPM ou BPI en fonction de ce que tu veux. Par exemple, là, je vais te demander de voter. Point d'exclamation vote tout attaché. Espace BPI espace 16. S'il te plaît. Ah ouais, j'ai repensé aussi. Je sais pas, on dirait. Et quand il revient, M audio est trop fort. Toi, t'es en vacances là. Donc en fait, j'ai pas besoin de demander à Julien rien du tout, puisque je l'ai pas vu encore et tout ça. Mais je peux te filer mon Steam pendant que moi je suis au boulot, c'est-à-dire tout le temps. Et donc voilà, pendant les vacances, tu peux largement installer les jeux que t'as envie, essayer. Voilà. Mon Steam. Thank you. beaucoup moins. Tout à l'heure, je t'entendais bien. Tu m'entends, bro ? Ouais, vite fait. Tout à l'heure, je t'entendais mieux. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Bye.